Le soleil tape, j'ai des lunettes cassées. Une table de mix en tôle de fils arrachés. Des viewers en slip qui tapent dans leurs mains. C'est pas Ibiza ici, mais on mixe pour le destin. Dans un vieux compteur, hey, elle grésille un peu mais elle fait trembler la terre. Le voisin campe, je balance du scratch en réponse. Et je fais boum boum boum jusqu'à ce qu'il dénonce. J'ai une AK comme Crossfader, ça shoot en stéréo. Je suis DJ Raider, Skier, ambiance barbecue rétro. Un ours qui débarque, je lui drop un solo. Même les tourelles dandinent sur mes tempos. BJ nous va à la playa, je fais jumper les viewers. Ça loot, ça crame mais on danse sans peur. C'est rust, c'est funky, c'est du gros délire. Si t'as pas bugué, t'es pas prêt de partir. Ça lag, pas grave, je synque avec les grenades. Reader skill mix même quand ça cascade. On spam le chat comme un BPM qui tape. Et on raise l'ambiance même quand ça claque. Je sens des bruits de feu, des hurlements de noob. Une tourelle qui bip, hop, je la fous dans le loop. La musique est vivante, pleine de bugs et de feu. Mais elle est plus stable, mon pote, Roro le chevreuil. J'ai pas besoin de platine, j'ai juste une porte en métal. Je la claque en rythme, c'est tribal, digital. Ma basse fait boum, je la remixe direct. Et mes viewers balancent des GG dans le refrain sec. Et qui nous bat la playa avec Rider Skill en rage. On fait danser la map, même pendant le pilag. Y'a du fun, y'a des kills, y'a du loot à rendre. Et la vibe est si forte que la basse va fendre. Frappe sur la tôle, remix sur les pleurs. Même les tryharders demandent l'heure. Dans ce chaos, on règne en musique. Rider Skill mix pendant que tu critiques. Un remix de boom, un écho d'explosif. Je transforme ta mort en moment festif. T'es au sol, c'est dans le beat que tu renais. Et même ton sac devient sample stylé. DJ Noob, ouais c'est moi le streamer. Entre les balles et les beats, je te rends meilleur. T'as jamais vibré tant que t'étais pas là. À danser sur la plage avec un HP, crois-moi. C'est Aker Rider Scale, le son qui casse les murs. Ma basse fait peur aux murs blindés, je te jure. Alors danse, crie, loot et admire. C'est pas un jeu, c'est un empire.